Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit : « Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. »